les amours deviennent folles. Comme les vagues en hiver, les amours prennent leur vol. Si tu ne sais pas les garder, l'amour c'est comme un voilier pris par le vent en pleine mer. Une main retient la voile et l'autre la fait tanguer. Qui n'a pas écrit un poème pour oublier qu'il est seul, qui au temps de la jeunesse n'a pas laissé son corps s'embraser, et qui au seuil de la vieillesse, quand le mât tremble déjà, qui n'a pas le souvenir d'un rêve, d'une voile prise par le vent. Les amours s'ennuient déjà avant que l'on ait aimé, car l'amour c'est un enfant qui doit apprendre à marcher. L'amour c'est comme la terre qu'il faut bêcher et semer. Cache-le dans la pénombre, qu'on ne vienne pas te le voler. Qui n'a pas écrit un poème pour oublier qu'il est seul, qui au temps de la jeunesse n'a pas laissé son corps s'embraser, et qui au seuil de la vieillesse, quand les mains tremblent déjà, qui n'a pas le souvenir d'un rêve, d'une voile prise par le vent. Les amours deviennent folles.